laisse-moi me les faire, je vais leur montrer. Pas me démonter, faut mon truc, fils de tu l'as pompé. Pas ça, allez, on sait que j'ai les pompiers. Beaucoup de pétasses veulent me dompter. Allez, rompez, un bonnet ou terre, la dompée. Sur le terrain, bâtard, ça va tromper. Sur fois la vainquée, je peux pas compter. J'suis dans le centre, N'Golo Kanté. Venir nous tester, faut pas tenter. Demain c'est un peu, demain ça pop. Et même dans le sol, si ça fait. Pas dans ma salle, que du bang bang. Bang bang bang, que des bangers. Arrache ta kick, arrache ton com. Faut que ton tamien qui est coupé en la coque. Appelle le H ou bien appelle le N. Mais fais gaffe, nous on a le pétard qui explose. Arrache ta bitch, elle m'a fallu les folles. C'est le foyer, m'a tout passé sur quelle vacuole. Toutes celles qu'on voulait fouiller mon téléphone. On finit au bout du seul. Arrache ta boîte, on est pas tes potes. Arrache tes piques, on est pas tes petits. Tu la frappe pas, ce qui défonce, qui te boit. Ouais, cure la pupille, qui défonce, qui te fiche. Arrache ta boîte, on est pas tes. Arrache tes piques, on est pas tes. Ton problème, je le règle. C'était pas comme un palaquet. Dans la piscine, Schmidt, je lâche ma colère si tu touches mon collègue. Oh, ah, ton jeu, c'est mon gang, la colonne. Je te déteste, je te vois comme un juif colon. Oh, je vais dans une ville de maçon comme Gérard Collomb. Ça te déçoit, les faux tailleurs, t'es classé. C'est libre, sauf ta chérie depuis des points secs. Parle pas avec moi si tu pratiques l'inceste. Arrache ta boîte, on est pas tes potes. Arrache tes piques, on est pas tes petits. Tu la frappe pas, ce qui défonce, qui te boit. Ouais, cure la pupille, qui défonce, qui te fiche. Arrache ta boîte, on est pas tes. Arrache tes piques, on est pas tes. Mes boucles, la zone, le secteur, je veux si pêcher que mes gars. Ils sont sectaires, dégage, bolos, petit incèse. Entre les jambes, t'as un petit insecte. Mini guapo, aime la secte. T'inquiète, on sait tous que t'es secte. T'inquiète, on sait tous que t'es secte. Écoute seulement, prends ta fessée. Fais sauter les vaisseaux, projection astrale dans le vaisseau. Je vis pour peso, tu peux même ramener tous tes sauts. Tu sais que tu peux vite tes sauts. Vraie chose, c'est ce qu'on fait toute l'année. Ça irup, il me fait planer. Ça fait crier comme un putain de poisson pané. J'fais chauffer la carte, comme ça tous les soirs j'ai fait des choix. Boy et ton vieux rap de boulot, c'est rien qui me déçoit. Rien qui me déçoit, wow, wow, rien qui me déçoit. Boy et ton vieux rap de boulot, c'est rien qui me déçoit. Arrache ta boîte, on est pas tes potes. Arrache tes piques, on est pas tes petits. Tu la frappe pas, ce qui défonce, qui te boit. Quoi, et cure la pupille, qui défonce, qui te fiche. Arrache ta boîte, on est pas tes. Arrache tes piques, on est pas tes. Arrache ta boîte, on est pas tes potes. Arrache tes piques.